Ce recueil se compose de 19 livres, répartis chacun en chapitres de différentes longueurs. Voici les 36 chapitres des 9 premiers livres que j'ai choisis et enregistrés pour vous. Pour que vous ne soyez pas trop perdus dans la masse des auteurs cités par Olugel, qui balaie près de 1000 ans d'histoire dans ses nuits attiques, j'ai cru bon d'ajouter parfois quelques repères historiques ou géographiques lorsqu'apparaît un nom la première fois. Les spécialistes sauront me pardonner ces ajouts.